l'ombre des plis de ma ville, un visiteur me guide. Les paysages défilent, des années que je vis dans mon bidonville, sur les pentes instables où s'écoulent nos vies. Fondu dans la masse, je n'ai plus de forme. Mon visage est un masque, mon corps un uniforme. Ma voix se perd dans les clameurs du stade, ma signature une croix dans les papiers de l'ambassade. Je suis un soldat de plomb, tombé sur le champ de bataille, en chair à canon. Main d'œuvre à l'œuvre, mais du cœur à l'ouvrage, couvre par son courage la haine et ses dommages. Quel dommage, trouveras-tu les traces de mon passage? Aucun indice dans les parages. Incognito, inconnu, incognito. Incognito, inconnu, incognito. Un parmi des millions, incognito. Inconnu, incognito, inconnu, incognito. Se cacher derrière une belle éloquence pour dissimuler une existence vide de sens. Suivre aveuglément le mouvement, de peur de caresser l'isolement. Reproduire les rites ancestraux pour sauvegarder les liens familiaux. Renier son identité, son passé, c'est moins risqué d'être assimilé. Je rentre sciemment dans le système, il a falsifié ma haine, résolu mes problèmes. Dans les couloirs du métro, je passe incognito, et devant mon écho, je me suis planté un couteau dans le dos. Trahis mes idéaux pour penser incognito. Pour faire la révolution à 20 ans, j'en avais l'âge. Mais aujourd'hui, j'ai foutu ma rage en cage. Troqué mon pavé par ma mallette marron foncé. Pactisé avec Babylone pour ne pas rester alone. Et garder auprès de moi quelques années de plus ma femme, ma puce. Je voulais rester intègre avec moi, rester en adéquation. Mais je suis qu'un putain de mortel rattrapé par ces contradictions. Tout ça pourquoi? Pour passer incognito. Pour passer incognito. Incognito. Incognito, inconnu, incognito. Incognito, inconnu, incognito. Un parmi des millions. Incognito, inconnu, incognito. Inconnu, incognito. Interchangeable, personne n'est irremplaçable. Pourtant sans moi, il reste une place à table. Trop seul pour faire pencher la balance. Sans moi, ton toit est seul en mon absence. Je suis passé sans bruit, souffle sur vos nuits. Il reste mon parfum dans les draps de vos lits. Je ne suis qu'un seul parmi les millions. Un mirage, une image, tu ne connais pas mon nom. Je suis toi et toi moi. Autre situation, ton ami, ton ennemi. Une autre position, un standard, une norme, une ombre. Sans étendard, sans forme, sans nombre. Un numéro tatoué, tout juste à l'occasion. Peut-être serai-je la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Incognito, inconnu, incognito. Incognito, inconnu, incognito. Un parmi des millions, incognito. Inconnu, incognito, inconnu, incognito.